Très heureux d'accueillir en vidéo cette fois mon collaborateur Dominique Roussel. Dominique qui me voit pour la première fois ma grosse face de cochon. Salut Dominique! Bonjour, Danny. Ça va bien. Première fois que tu me vois. Moi, c'est sûr que je te connais. Écoute, étant donné que tu es un ancien joueur de hockey, donc c'est sûr que tu es une personnalité connue. Dominique, je suis bien content que le Canadien ait remporté hier un match. On pourra dire mission accomplie, quoi qu'il advienne. C'est sûr que c'est déjà mission accomplie, là, mais si ils auraient été battus hier en quatre matchs, fort probablement que tout ce qu'ils ont fait aurait été effacé un petit peu. Ouais, c'est sûr que, tu sais, quand tu te rends à la finale de la Coupe Stanley comme ça, puis ils ont vraiment mis les efforts pour se rendre là, ça n'a pas été un chemin facile. Puis, tu sais, c'est toutes des choses positives, puis c'est sûr que c'est l'objectif, c'est la Coupe Stanley, mais le fait de s'être rendu en finale, c'est une chose positive, mais c'est ça, si tu perds ça en quatre, surtout à Montréal, tu sais, mais t'as beau vouloir passer un bel été, je pense pas que tu passes un bel été, juste, mais même si tu perds en sept, c'est pas tellement... Plus le fun, sauf qu'au moins, tu sais que quand tu as compétitionné, tu t'es pas fait laver, tu t'es rendu en finale, puis tu es capable de jouer avec Tampa Bay. Hier, je parlais de ça. Est-ce que la journée de congé supplémentaire a fait du bien à la défensive du Canadien? C'est une défensive qui est quand même hypothéquée. C'est une défensive assez vieille. Petrie, Weber. Hier, ils ont joué tout un match, surtout Weber qui a distribué des solides mises en échec. Ben Chiarot également qui a distribué de bonnes mises en échec. J'ai l'impression que le fait d'avoir joué à quatre défenseurs tout au long des séries pratiquement et cette journée-là a fait du bien. Oui, ça fait du bien définitivement. La seule chose, c'est la première période. On voyait qu'il leur manquait de jambes un petit peu. Des fois, c'est une journée de congé de plus, l'adrénaline a descendu un peu. On voyait qu'ils n'étaient pas sur la rondelle assez rapidement. Ils ne frappaient pas beaucoup en début de match. À un moment donné, on a vu chez Weber donner une ou deux grosses mises en échec. Ça a vraiment réveillé l'équipe. Là, on s'est mis à frapper. Puis la clé contre Tampa Bay, il faut que tu frappes, faut que tu mettes de la pression sur la rondelle, il faut que tu uses. On avait parlé à un moment donné ensemble, C'est ça faut que que les Islanders ont tu fait hein, uses. aussi, hein? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le deuxième match, ça a été un match comme ça où on les a usés, on les a frappés, on les a pas lâchés. Ils ont perdu le match, mais par contre, le match aurait dû aller de leur côté. Fait que là, ils sont partis sur le bon chemin. Ils ont plus de régularité dans leur jeu, moins d'erreurs, moins de revirements. Puis là, c'est sûr, on voit Carey Price qui tu sais, des fois, il y a des petits bas, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Il était dans un high, là, des trois premières rondes. Puis en finale, ça n'a pas été le cas, sauf le match d'hier, on a vraiment vu qu'il. Tu sais, ça paraît, juste à le regarder, on le voit. Tu regardes là, les 5-10 premières minutes, puis on voit tout de suite s'il va y avoir un gros match. Puis on le sentait qu'il était pour avoir un bon match hier. Est-ce que tu penses que demain, la pression va être du côté du Lightning? Parce qu'on est à la maison. Moi, je pense que demain, ça va se terminer demain, là. Mais si jamais ça arriverait, puis le Canadien causerait une surprise, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un match-up. Mais c'est drôle, hein? Il va y avoir Ouais. beaucoup de pression du côté du Lightning demain. Mais le fait qu'ils ont appris à gagner, qu'ils savent comment gagner, ça va les aider énormément. Par contre, moi, j'ai l'impression que si jamais le CH causerait cette surprise-là, il pourrait y avoir un match-up. Je ne serais pas surpris en tout cas. C'est sûr que Tampa Bay, eux, ils s'en vont à la maison, puis ils ont la chance de gagner la Coupe Stanley à la maison avec un aréna rempli. Fait que leur motivation va être plus élevé que le dernier match, moi je crois. Par contre, si le Canadien joue comme qui ont joué le dernier match, puis leur met de la pression, ils leur enlève leur espace, puis on les frappe, garder ça serré, c'est un match serré, 1-1, 2-2. Dans un cas comme ça, là, la pression va embarquer. Là, Tampa Bay vont dire, OK, là, il faut qu'on gagne le match. S'ils perdent, par exemple, par un point ou par un but ou par deux buts, là, la pression peut se faire sentir plus que le match avance. Puis à ce moment-là, le Canadien, eux autres, ben, ils n'ont rien à perdre. C'est let's go, on fonce, on donne tout ce qu'on a. Fait que moi, j'ai pris les Canadiens en 7. Je pensais que c'était pour être à 2-2 après 4 matchs. Ce n'est pas le cas, c'était 3-1. Mais tu sais, quand on regarde ça, Ça aurait pu les être joueurs vont 2-2, ça aurait pu souvent. très bien être 2-2, Ça répète 2-2 certainement. Si on regarde le deuxième match là, que le là. Canadien a dû gagner, fait qu'ils sont pas mal débrouillés du tout, là. Fait que, tu sais, c'est une équipe canadienne qui est capable de remonter et aller chercher ça en 7. Moi, je les ai pris en 7. On se rappelle Toronto, Même ils perdaient encore pour 3-1, aujourd'hui, ils ont remonté. mais même encore aujourd'hui, écoute, les Lightning et Tampa Bay ont perdu deux matchs consécutifs en série depuis 2 ans. Ouais, c'est quelque chose, hein? Mais Ouais. leur équipe est incroyable. Ils ont tous les éléments. Puis en plus d'avoir un paquet de joueurs d'attaque qui marquent des buts, qui sont capables de marquer des buts, une brigade défensive, c'est la meilleure brigade défensive de la Ligue nationale, tant qu'à moi. Puis là, avec ça, quand tu réussis à passer les attaquants, même les attaquants jouent bien défensivement. Fait que tu passes les attaquants, le défenseur, puis après ça, faut que tu marques contre Vasilevskiy, ce qui n'est pas une chose facile. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, faut qu'ils jouent un match, le Canadien, qui est serré. Faut pas qu'on essaye d'ouvrir le jeu puis gagner ça 5 à 1. Tu sais, c'est un but, deux buts, Carey fait les arrêts, on joue bien défensivement, discipline, pas de pénalité. J'espère que les arbitres vont essayer d'être le plus juste possible. Le dernier match, une coupe de show que j'ai pas tellement aimé. Là, j'aime pas ça critiquer les arbitres. J'ai toujours été bien ami avec eux autres, mais il y avait des infractions qui ont été appelées que j'étais whoop. OK, là, tu sais, des fois, on arrache la tête à un gars, il n'y a pas de punition, puis petit accrochage de rien, puis une punition. Donc, j'espère que ça va être égal là, pour le dernier match, parce que si c'est égal de ce côté-là, le Canadien ne prend pas trop de pénalités, tu sais, deux dans le match, peut-être, on garde ça au minimum, puis qu'on ne les loge pas tout le match, ils ont une chance de gagner. Puis après ça, comme tu disais tantôt, ils reviennent à Montréal, à la maison. Il n'y a rien qui dit qu'ils seront capables de gagner ce match-là pour aller au match 7. Fait que Ben, c'est pas c'est ça. terminé, tant qu'à moi. Non, c'est ben, c'est sûr que c'est demain le match qui fait photo. Tu as parlé de la brigade défensive du Lightning. Et quand tu dis que David Savard était le défenseur numéro 2 à Columbus, puis arrive à Tampa, puis c'est le sixième défenseur. Sergachev jouera à Montréal, ce serait le deuxième derrière avec Weber. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Ça te donne une idée de la brigade défensive de cette formation-là. Ils sont vraiment solides. Écoute, ils peuvent mettre n'importe quel des six premiers sur la Ouais. glace. Puis ils ont confiance que le travail va être fait. Puis ils ne se compliquent pas la vie. Hein. Regarde les jouer, Non. là. Ils n'essayent pas de faire des passes à travers la zone, une passe à ligne bleue adverse, là, tu sais. Puis si c'est tout ouvert, ils vont peut-être le faire. Mais ils ne prendront pas de chance inutile. Ils regardent, ils lèvent la tête, ils regardent le jeu, puis ils essaient de faire le choix du meilleur jeu possible pour avancer la rondelle. Moi, ce que j'aime beaucoup de Tampa Bay, que ce soit les défenseurs ou les attaquants, c'est qu'ils ont trouvé une façon un petit peu de contrer le Canadien. Le Canadien, ils veulent aller sur la rondelle le plus vite possible, mais ils passent la rondelle tellement rapidement, une chose qu'on avait parlé ensemble une semaine ou deux. Le joueur du Canadien arrive sur la rondelle, mais la rondelle est déjà partie. L'autre joueur s'en va sur la rondelle encore, est encore déjà parti. Fait que ça prend une bonne synchronisation pour tout le monde pour contrer ça. OK. Romanov, comment tu l'as trouvé hier? Mais moi, Romanov, je l'aime bien. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs Tu qu'il n'est sais, pas dans la forme. S'il y a un point négatif à avoir, c'est il y a de quoi qu'on ne sait pas. Il y a de quoi qu'on ne sait pas, c'est sûr et certain. D'abord, au départ, il n'est pas pire que Miro. On dit que c'est de. On dit que c'est que les minutes, il élargissait ses présences sur la patinoire. Il les allongeait. Puis on a comme voulu lui donner une leçon, mais lui donner une leçon toutes les séries. C'est un match, deux matchs, c'est correct, mais toutes les séries, là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il a fait de quoi, d'après moi? Es-tu d'accord avec moi là-dessus? c'est possible, c'est sûr que ce que tu dis, en fait, d'allonger ses présences, il est arrivé souvent de se faire prendre. Des fois, deux Ouais, minutes sur la glace, mais c'était c'est trop pas long. nécessairement qu'il voulait pas. Ouais, c'est pas nécessairement qu'il voulait pas changer. Il était pris dans des situations où il ne pouvait pas changer bien souvent. Mais c'est sûr que faut que tu calcules en tant que défenseur, OK, est-ce que je peux changer? Tu sais, ça fait 45 secondes sur la glace. Je devrais-tu changer, je reste sur la glace parce qu'une opportunité offensive, là, c'est une décision que souvent le vétéran va prendre la bonne, il va aller changer. C'est-tu la raison? Moi, Romanov, je l'aime bien parce que son côté physique, il est imposant, il frappe solide, Il a joué, il fait c'était des contre bons qui? C'était gestes. contre Winnipeg qui avait fait une mise en échec solide, puis on y avait même reproché que c'était-tu contre Winnipeg ou Vegas qui avait joué, puis il avait fait une mise en échec. Je pense que c'est contre Vegas, puis on avait même reproché que ça avait réveillé l'autre équipe. Tu sais, il ne faut pas charrier quand même. Tu as joué avec des gars, non, tu as joué avec des Darius Car non, tu as joué contre Darius Kasparaitis. Tu te rappelais comment que ces mises en échec étaient solides. C'est un peu le même style, là. Il me semble que ça ne réveille pas une équipe. Au contraire, ça stimule l'équipe. Tu l'as dit tantôt, Weber, même de ça, réveiller l'équipe. Hein. Tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, tu sais, à défense, tu as Sherrod, évidemment, Weber, qui donne des mises en échec solides. Pas toujours, ne sont pas nécessairement très réguliers parce qu'il faut qu'ils fassent attention de ne pas sortir du jeu. Mais là, tu ajoutes Romanov, tu as un troisième gars qui va faire ce travail-là. C'est sûr qu'il va peut-être faire des erreurs. C'est comme les discussions qu'il y a souvent à propos de Suzuki et Caulfield. Oui, des fois, ils vont faire une erreur, mais est-ce qu'ils t'apportent quelque chose qui fait que tu le veux sur la glace? Moi, je pense que oui. S'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, moi, je pense que aussi, c'est quelque chose qu'on avait parlé une couple de semaines, que tu doutais que peut-être il se passait quelque chose qu'on ne sait pas. Puis oui, ça peut être des choses personnelles aussi, il n'y a pas nécessairement rien fait de mal. Ça peut être quelque chose de familial ou peu importe. Fait qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont capables de le mettre sur la glace après avoir été dans les estrades pendant tellement longtemps et être capable de performer. C'est bon signe pour un jeune les défenseur. Minutes qu'il donne, les minutes qu'il prend, c'est des minutes que tu économises ton top 4. C'est ça l'affaire aussi. Donc, parce que Merrill et Gustafsson, on les a quasiment pas vus. Dominique, donc, moi, un autre sujet que je veux te parler, t'as pas été joueur autonome, mais tu étais représentant des joueurs chez les Flyers de Philadelphie. Donc, tu as connu le marché des joueurs autonomes. Il y avait une bonne question ce matin au 91-9. On a posé la question, le Canadien, avec la présence du Canadien en finale de la Coupe Stanley, pensez-vous que ça va être plus facile pour Marc Bergevin de recruter des joueurs autonomes de talent? Moi, ça m'a fait rire un peu parce qu'à quelque part, là, c'est moi qui vais le dire, là, c'est pas toi, là, mais avec ce qu'on dit, l'impôt des joueurs, c'est très dur à Montréal, et de deux, c'est souvent la femme qui décide. T'es d'accord avec moi là-dessus? C'est pas juste une question du joueur, c'est une question de familial. Et ce qui s'est passé avec la COVID cette année, avec les enfants et ainsi de suite, moi, je serais un joueur autonome. Montréal serait une des dernières équipes sur ma liste. C'est que tu as raison pour ce qui est, oui, c'est certain que la famille, la femme ou la blonde du joueur a quelque chose à dire là-dedans, puis c'est une décision familiale. Fait que tu as deux types de situations. Okay? C'est ce que j'ai vécu dans le hockey dans la Ligue nationale en regardant des gars aller devenir joueur autonome. Tu as le joueur que lui, il veut gagner la Coupe Stanley. Fait qu'il veut être dans une équipe qui a une chance de gagner la Coupe Stanley. Puis tu as l'autre côté, le joueur qui va dire, écoute, j'aimerais être dans une bonne équipe, mais la famille, il passe en premier pour ce qui est de gagner la Coupe Stanley. T'sais, si je m'en vais dans une équipe qui est un peu plus haut que le classement, c'est pas grave. Fait que si tu regardes ça comme ça, tu regardes le Canadien qui sera en finale, la Coupe Stanley, un joueur de hockey, souvent, j'ai entendu dire, je veux m'en aller dans telle équipe parce qu'il y a tel joueur ou tel gardien. Tu sais, Carey Price, c'est sûr que quand tu es imagine-toi, tu es un défenseur, tu parles avec Carey Price en arrière de toi, l'équipe est en finale de la Coupe Stanley. Donc, on se dit, j'ai peut-être une chance. Fait que ça, c'est des choses à regarder aussi. Le fait qu'il soit en finale, oui, ça aide. S'il avait perdu en première ronde, c'est certain qu'ils ont moins de chances d'aller chercher des joueurs autonomes à cause des raisons que tu as mentionnées tantôt. Est-ce que le CH, est-ce que jouer pour le CH, ça vaut encore de quoi? C'est sûr pour les Québécois, oui, mais encore là, de moins en moins. Par contre, est-ce que c'est jouer pour le Canadien, c'est comme jouer pour les Yankees, dans la tête des joueurs de la Ligue nationale? Ben moi, je te dirais dans la tête des joueurs canadiens. Oui. De la Ligue nationale. Ouais, okay. Ouais. Donc, un joueur qui est né au Canada, qui a regardé les Maple Leafs, regardé le Canadien, peu importe l'équipe canadienne. Le Canadien de Montréal, c'est numéro un, un petit peu comme tu dis, les Yankees. Fait que c'est certain que pour un joueur canadien, c'est un honneur incroyable. Si c'est un joueur européen, c'est moins important pour eux autres, ces gars-là. Un joueur américain, c'est encore moins important pour eux autres, ces gars-là. En général, je parle en général. Fait que oui, pour un joueur canadien, comme moi, j'ai joué 10 ans dans la Ligue nationale, puis j'ai presque été transigé au Canadien deux fois, puis ah je oui? souhaitais. Okay. Parce que, oui, parce que je jouais pour le Canadien. Je voulais jouer pour le Canadien, c'est sûr, ben oui. Fait que, donc, t'as quelle année que tu as failli être changé? Je ne me souviens pas de l'année exacte que c'est arrivé, mais une année, j'étais avec les Ducks. J'ai su que l'échange était pratiquement fait. Ça, c'était cancellé à la dernière seconde. Puis une année aussi, quand j'étais avec les Flyers, un petit peu la même chose. Il y avait une transaction qui était presque faite. Puis ça a tombé à la dernière seconde. Fait que c'est arrivé deux fois, oui. OK. C'est sûr que pour un Québécois, ça vaut encore de quoi. Mais probablement que tu aurais été un backup. C'est les années de José Théodore. Il y avait José Théodore. Fait que j'aurais été deuxième gardien, évidemment, quand on dit ça, tout le temps, pour commencer la saison. Parce qu'on veut tout le temps devenir numéro un. Fait que oui. Puis dans le temps des Flyers, c'était dans le temps d'André Rasico puis Patrick Roy. Donc j'aurais été second de Patrick Roy, oui. OK. Mais est-ce que je vais poser une question, c'est quelque chose d'intéressant que tu m'apprends. Quand tu apprends que ton équipe veut t'échanger, le lien de confiance est-tu brisé? Pas nécessairement. Moi, je l'avais appris d'un dépisteur, là, que je peux pas lui nommer son nom, OK. finalement, qui est venu me voir, puis il m'a dit, Dominique, il dit, je t'avertis, tu vas être échangé dans les prochains jours, puis tu sais, la transaction est pratiquement faite. Puis ça s'est pas concrétisé, mais moi, j'étais quand même heureux dans mon équipe, avec mes coéquipiers, dans ma ville. Fait que non, ça m'a pas Et tu comprends que dérangé, ça fait le partie de fait la que ça se passe business du pas. sport aussi. Tu comprends que ça fait partie aussi de la business. Ouais. Ben, OK. c'est sûr. Puis quand tu te fais échanger, quand tu penses à ça, OK. C'est pas nécessairement que l'équipe où tu es, elle veut pas t'avoir, mais il y a aussi le côté que l'équipe qui veut aller te chercher, ils veulent vraiment t'avoir. Fait que, ils Ouais. sont prêts à donner des joueurs, des choix de repêchage pour t'avoir. Fait que, puis tu sais, quand tu fais du hockey, t'es habitué à un jeune âge, tout le temps déménager, puis aller te faire Ouais, échanger dans c'est le junior sûr. majeur, puis t'es habitué à ça, tu sais. Ouais. Dominique, on s'en reparle la semaine prochaine, si tu permets, pour le bilan. Ça va être le bilan sûrement de la saison. Fait que, qu'est-ce que tu prévois? T'es pessimiste un peu. Ben, c'est sûr, parce que ça, on se parle une fois par semaine. Ah, le Puis, septième match. Ben là, ils sont rendus au match 5, hein, c'est ça, le match ouais, fait 5. que ça va. Possiblement deux. Ah, t'as raison, puis ça va Ah, être ouais. la semaine prochaine. Ça va être le bilan ou quelque chose comme tu as vu ça. Dominique Roussel, un gros merci pour Parfait. sa part. Merci, là. Salut tout le monde. Collaborateur Dominique Roussel. Merci, Dom. Fait que je vais l'envoyer, tu vas le voir sur mon mur. OK? OK? OK, C'est beau, salut, parfait. merci.